Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, à toi. Oh, rencontre de Olivier Moukouna, ça fait marrant parce qu'on s'est déjà rencontré il y a combien de temps? On pourrait dire 10 ans, mais c'est moins de 10 ans. En même temps, c'est pratiquement 10 ans, quoi. Ouais, pratiquement, c'est 2006, je crois, quelque chose comme ça. Donc, ça fait quoi? Ça fait presque, ouais, 8 ans, 9 ans. Et donc, tu te présentes, Olivier? Oui, je suis donc Olivier Moukouna, journaliste indépendant, donc freelance. Là, je co-dirige un site d'information alternative qui s'appelle femmesdechambre.be, FDC. Et c'est un site sur Internet qui relaye de l'info, interviews, articles, enquêtes, sociopolitiques en général, mais aussi culturelles. Sur la Belgique, sur la France, parfois on a des papiers qui viennent de Québec et de la Suisse aussi, voilà. Et quoi, vous êtes beaucoup? On est une petite équipe de, on va dire, 5-7 personnes, mais ouais, donc c'est très petit, c'est artisanal. C'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est artisanal. C'est artisanal, il y a personne qui est payé, tout ça, et, comment dire, pour la cause du journalisme avec des options, des angles, ou interviewer des gens qu'on n'entend pas tout le temps dans les grands médias traditionnels. On a une approche un peu différente, alternative des médias traditionnels, et on a fondé ce site à trois, mais bon, ceux qui le font tourner, c'est essentiellement deux personnes, donc moi et Aurore Van Abstal, une autre journaliste de grand talent. Voilà, et on va bientôt couvrir la campagne électorale pour les élections qui arrivent, régionales, européennes et fédérales. Voilà. Voilà, et si on se rencontre aussi, c'est parce qu'il y a. J'ai téléphoné en fait, Olivier, pour dire tiens, l'affaire Dieudo. J'adore parce que ça soulève tellement. Moi j'avais envie d'entendre ce que tu avais à dire là-dessus. Et c'est vrai que quand moi je parle de je vais voir Olivier Moukouna, ah oui, il est pro Dieudonné. Mais ça m'énerve un peu parce que ça fait comme si t'étais d'office pour Dieudonné les yeux fermés, alors que il y a toute une histoire, c'est pas n'importe quoi. Et puis en gros, les médias disent très clairement Dieudonné est antisémite. Ok, t'entends l'info, tu dis qu'est-ce qui s'est passé, et puis toi-même, tu dois aller à un moment donné chercher aussi l'info pour savoir quoi, comment. Voilà, j'avais envie d'entendre ce que tu avais à dire par rapport à tout ce que je viens de dire. Bah oui, c'est une affaire donc qui date pas justement de quelques semaines ou un mois, mais c'est une affaire vieille de 10 ans qui a commencé en 2003. Bon, certains médias traditionnels l'ont un peu rappelé, mais finalement très peu. En fait, c'est une polémique qui commence en 2003. Et moi, j'aime bien dire, moi qui suis journaliste, donc, aimer ou haïr Dieudonné, c'est pas une question journalistique. La question journalistique, c'est qu'est-ce que ça révèle, en quoi cet humoriste engagé, anti-sioniste, crée autant de débats par l'utilisation de la provocation notamment. Mais pas seulement. Je veux dire, depuis qu'on ne s'est vu, je crois qu'il a fait 8 spectacles ou 7. Faudrait que je tienne mes chiffres à jour. Mais enfin bon, c'est pratiquement un spectacle par an, dont les médias traditionnels et la culture en général ne parlent pas du tout. Et pourtant, qui fait ça le comble partout où il les représente, et y compris chez nous à Bruxelles, où d'ailleurs la dernière fois qu'il est venu, le maire de la ville, enfin le bourgmestre, pardon, de Bruxelles, ville, a envoyé plus d'une centaine de policiers pour interrompre le spectacle, ce qui s'était jamais fait en France d'ailleurs. Et attends, parce que là on s'y perd un peu. Ça s'est passé ici en Belgique ou en France? Non, ça s'est passé en France. Ça ne s'est pas passé en France. Donc, pour répondre à la question, ça s'est passé ici à Bruxelles en mai 2012. Et ça n'a pas fait, voilà, ça n'a pas fait un écho extraordinaire, tout simplement parce que ça a été un peu relayé, si tu veux, dans la presse quotidienne, donc le soir, la dernière heure, etc. Mais avec un discours très univoque. Donc en fait, moi je trouve que à ce moment-là, la presse traditionnelle s'est fait simplement le relais du discours mensonger de la police et du bourgmestre. Et en l'occurrence, Dieudonné n'a pas été interviewé comme d'habitude, je dirais, chaque fois qu'il s'agit de lui. Ou c'est pas intéressant d'aller l'interviewer, ou, maintenant on peut le dire, depuis un an, Dieudonné, enfin, quand je dis on peut le dire, c'est-à-dire on peut être affirmatif par rapport à ça. Moi, dès que je sais quelque chose, je le dis. Mais là, en l'occurrence, Dieudonné donc refuse maintenant les interviews de la presse traditionnelle ou presse subsidiée. Donc, c'est-à-dire qu'il reçoit des subsides, hein, une aide à la presse, de l'État, etc. Parce qu'il estime que le travail journalistique n'est pas indépendant. Ou alors, il leur propose ce qu'il m'a dit la dernière fois que je l'ai interviewé. Donc, c'était le 31... Enfin, notre interview est sortie sur le site femmesdechambre.be. Elle est sortie le 31 décembre. C'était une interview exclusive de Dieudonné qu'on n'avait plus donnée à un média depuis un an, quoi. Et pourquoi il ne veut plus causer à cette presse-là ? Enfin, je me fais ma petite idée, mais... Voilà, bah, écoute, en tout cas, pour ceux qui s'intéressent à la réponse de Dieudonné à cette question, je les invite évidemment à aller sur notre site, femmesdechambre.be. Maintenant, donc, comme je disais, c'est parce qu'il estime qu'il a été victime d'un lynchage médiatique, ce que... Aujourd'hui, je pense, plus personne ne conteste, vu ce qui s'est passé dernièrement avec l'intervention du ministre de l'Intérieur Valls et la volonté d'interdire les spectacles. Le traitement médiatique était univoque. Je veux dire, ça n'allait que dans un seul sens. C'était... voilà. Et puis, ensuite, il y a eu une petite discussion, un début de débat sur est-ce qu'il faut interdire des spectacles, est-ce qu'il faut aller jusque-là, est-ce qu'il faut... pour combattre Dieudonné, parce qu'aujourd'hui c'est ça, hein, il faut combattre Dieudonné, et bien pour combattre Dieudonné, est-ce qu'il faut aller jusqu'à s'asseoir sur des libertés essentielles en démocratie ? Bon, donc il y a eu, mais fondamentalement, donc voilà, il estime que effectivement ces médias ne relayent pas. Dieudonné donc, ouais, il estime. Il, c'est Dieudonné bien sûr, ne relaye pas de manière, je dirais, professionnelle et équilibrée. C'est la polémique qui l'entoure et l'historique. Et puis, il estime aussi, ça c'est d'un côté, je dirais, plus artistique, finalement, comme il le dit dans notre interview, il n'a plus besoin d'eux. En fait, son public est là, de plus en plus nombreux, les gens viennent, ces spectacles se sont remplis. Et tout se passe, entre guillemets, sans intermédiaire, en tout cas sans l'intermédiaire ou la validation des médias traditionnels et du monde politique. Mais bon, le monde politique n'a pas à valider. Mais enfin, quand vous avez l'ensemble de la sphère politique qui vous crache dessus ou qui vous qualifie d'antisémite ou de révisionniste ou de négationniste, en principe, ce n'est pas une bonne pub. Mais comme ça fait 10 ans que ça dure et que finalement moi je le dis parce que je l'ai écrit dans un bouquin, etc., l'idée quand même des médias traditionnels, c'est très vite que le discours en dehors de l'affaire israélo-palestinienne ou en tout cas du conflit et de la thématique, très vite Dieudonné s'est positionné comme un critique des médias, du travail médiatique traditionnel. Il a d'ailleurs un sketch où il interprète un journaliste de France 3 qui est assez drôle et assez féroce dans les éléments réels qu'il reprend, bon, avec un peu de caricature, mais très peu. C'est vraiment... voilà. Et donc, de ce point de vue-là, très vite, Dieudonné est devenu quelqu'un qui ne tenait pas le bon discours, qui n'avait pas un bon discours vis-à-vis du travail des médias, qui, d'une manière générale, des médias traditionnels, je dis bien, qui, d'une manière générale, doit être sanctifié. C'est quand c'est vu à la télé, quand ça passe dans la presse, Le Monde, Libération, Le Soir, La Dernière Heure, c'est par définition vrai, et par définition, entre guillemets, c'est dans ce sens-là ou comme ça qu'il faut penser. Dieudonné, très vite, c'est pas inscrit du tout là-dedans, et estimé qu'effectivement, il y avait... les médias accompagnaient plutôt un deux poids deux mesures favorisé par les politiques. Et donc, au départ, c'était cette volonté de faire un film sur le code noir, donc qui est un code juridique du temps de l'esclavage. Et très vite, les médias sont arrivés sur cette question en disant il fait de la concurrence victimaire, il fait de la compétition victimaire. Il faut pas comparer ça avec les nombreux films sur la Shoah et sur le génocide juif, etc. Alors on voit pas pourquoi. En tout cas voilà, tout ça n'a pas spécialement convaincu une bonne partie des gens, et y compris des gens qui n'aiment pas Dieudonné ou qui ne goûtent pas spécialement son humour, etc. Mais qui se rendaient bien compte que sur cette question bien précise de la mémoire de la souffrance juive ou du génocide juif, il y avait une sorte de d'impossibilité effectivement de comparaison, d'impossibilité d'égalitarisme aussi. Un des discours de Dieudonné, c'est effectivement ce génocide-là, ce crime-là n'est pas au-dessus de tous les autres. Et il pourrait y avoir une égalité. Quand tu dis ce crime-là, c'est-à-dire ce... Le génocide juif. Donc par rapport à l'esclavagisme, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc ce côté où il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Il n'y a pas une hiérarchisation des souffrances, il n'y a pas une hiérarchisation mémorielle. Pourquoi ? Il a un sketch d'ailleurs là-dessus. Hein. Oui, tout à fait. Plusieurs. Mais c'est jamais de ceux-là qu'on parle. C'est toujours, si tu veux, dans les médias traditionnels, et comme la dernière polémique l'a montré, l'idée c'est que il est antisémite parce que il tourne en ridicule des journalistes, politiques, etc., de confession, de culture juive. Mais c'est toujours décontextualisé, parce que s'il le fait, c'est par rapport à ce que ces gens ont dit à la fois de lui ou sur les thématiques qu'il défend. Et donc c'est une sorte de réponse à la bergère, de berger à la bergère, ou de règlement de compte, entre guillemets, entre eux. Et donc par exemple, Cohen, le dernier journaliste, en tout cas le journaliste à partir duquel la polémique est partie, parce que il a un sketch avec lui où il semble regretter les chambres à gaz, et donc il a été accusé d'avoir regretté le fait que... On comprend plus rien là. C'est pour ça qu'il faut essayer, moi je pense, de pas rentrer dans les il a dit ci, il a fait ça, machin, mais d'essayer, par exemple, pour les gens qui te connaissent pas, toi, Olivier Moukouna, t'as écrit deux bouquins sur... C'est en quelques mots, hein, parce que moi j'aimerais bien discuter plus au présent, mais pour les gens qui te connaissent pas, t'as fait... qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as commencé à écrire deux bouquins sur Dieudonné? Voilà, ok. Maintenant... C'est parce que donc la polémique Dieudonné, elle commence avec le sketch du colon sioniste diffusé sur France 3 en 2003. Alors à partir de ce moment-là, du jour au lendemain, Dieudonné, enfin pratiquement quoi, hein, Dieudonné qui était connu comme un humoriste drôle, antiraciste, adoubé par les médias, qui venait de connaître un succès avec Jamel Debbouze dans le film d'Alain Chabat, Astérix, etc., devient antisémite, comme ça, après ce sketch-là. Un sketch qui passe en direct dans l'émission de Marc-Olivier Fogel, qui n'existe plus à l'époque, mais qui s'appelait « On peut pas plaire à tout le monde ». Donc, une espèce de truc un peu prémonitoire. Et donc, à partir de ce moment-là, moi qui l'avais interviewé un an avant la polémique, pour le journal du mardi dans lequel je travaillais à l'époque, je me pose la question, comme beaucoup, en train de me dire « Pourquoi... D'accord, peut-être ce sketch n'est pas drôle. D'accord, peut-être le fait de le terminer avec l'axe américano-sioniste, d'accord. Mais allons l'interviewer, allons, voilà. Et donc, étant donné le bruit que ça fait, le fait que même déjà à l'époque, le ministre de la Justice de l'époque ouvre une information judiciaire, enfin charge le parquet de Paris d'ouvrir une information judiciaire contre Dieudonné pour antisémitisme, incitation à la haine raciale, etc. Je me dis... c'est intéressant d'abord de défendre sa liberté d'expression, parce que finalement, tout journaliste sait très bien qu'à partir du moment où, en tant qu'humoriste ou même en tant que journaliste, tu touches à la critique de l'État d'Israël ou de la politique de l'État israélien, tu vas avoir une série de gens qui vont t'accuser d'antisémitisme très très vite. En tant que journaliste, même international, c'est connu, il suffit d'aller demander aux correspondants, demander à Baudouin Lourz du Soir ou au Charles Anderlin de France Télévisions, eux-mêmes, qui ne sont pas soupçonnables une seconde de racisme ou d'antisémitisme, ont été accusés par ce qu'on appelle le lobby pro-israélien. Pour aller vite, c'est des gens qui passent leur temps à ça, à chasser, ou à essayer de désigner et de chasser des gens antisémites, qui en fin de compte, le plus souvent malheureusement, ne le sont pas, et sont simplement des critiques de la politique de l'État israélien et d'Israël. Alors, comme moi, à l'époque j'étais toujours journaliste, donc je savais ça, je me dis... Voilà, allons l'interroger. Et j'ai fait un premier livre d'entretien, lui renvoyant, enfin il y avait une centaine de questions dans le livre d'entretien, et dont 80 étaient l'ensemble des critiques qu'il y avait dans la presse française, parce que notamment il accusait Israël d'avoir soutenu l'apartheid en Afrique du Sud, d'avoir été un des derniers pays à soutenir l'apartheid en Afrique du Sud jusqu'en 88-89, juste avant la libération de Mandela et puis l'élection finalement du premier président sud-africain noir en 94. Et donc voilà, je fais ce livre d'entretien. Tout se passe bien, je passe même à RTL de nouveau, voilà, enfin de nouveau. C'est bien de passer RTL. Non mais c'est pas que c'est bien, mais c'est juste pour montrer que je ne fais pas, parce que ça va évoluer au fur et à mesure des 10 ans. Et alors là, à l'époque, je fais un premier livre d'entretien et personne ne m'accuse d'antisémitisme et personne voilà, tout le monde comprend que c'est un sujet d'actualité traité par un journaliste selon la vieille formule classique du livre d'entretien. Ensuite, Dieudonné fait une comparaison de différence de traitement entre lors d'une conférence de presse à Alger. Il fait une différence, il montre qu'il y a une différence de traitement entre la mémoire de l'esclavage et celle de la Shoah, et cite une historienne israélienne qui disait finalement, à force d'en faire trop sur la Shoah et le génocide juif, ça devient de la pornographie mémorielle. Et il cite cette expression qui devient dans les médias, et c'est là où j'ai fait mon deuxième livre, parce que là je me suis dit, il y a vraiment un traitement qui vire au lynchage, voilà, c'est que, donc après avoir utilisé cette expression pornographie mémorielle, dans les médias traditionnels, pendant au moins 4-5 jours et puis une douzaine de jours par la suite, c'est devenu Dieudonné a qualifié la Shoah de pornographie mémorielle, ce qu'il n'a jamais fait. Il a même fait une conférence de presse pour dire, j'ai jamais dit ça, voilà les images, voilà comment c'est passé. Et si tu veux, au bout de 3-4 jours, les médias arrêtent de faire de l'intox, les médias français et belges, et reviennent en disant il fait de la compétition victimaire, ça ne va pas, on ne peut pas comparer, voilà, on peut pas faire cette comparaison-là. Pourquoi ? Aucune. C'est là qu'on, pour moi, on sort du terrain journalistique ou du terrain du rationnel, c'est-à-dire que c'est comme ça, voilà. On ne discute pas, c'est... le génocide juif, c'est notre histoire occidentale, il n'y a rien au-dessus, et tout le reste n'est peut-être pas en dessous, mais en tout cas n'existe pas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, et dans ce monde qu'on veut universel ou village planétaire ou mondialisé, avec des populations, que ce soit à Bruxelles, Paris ou Genève, multiconfessionnelles, multiethniques et tout ce qu'on veut, avec des origines de partout. Pour moi, c'est aller contre le vivre ensemble que de dire à certaines populations, écoutez, votre histoire, ou plutôt l'histoire de vos parents, puisque ils sont des descendants, que ce soit de l'immigration africaine, nord-africaine, maghrébine, etc., cette histoire-là a moins d'importance ou n'a pas d'importance comparée au génocide juif qui est tout proche. Je trouve que c'est se tirer une balle dans le pied sur le vivre ensemble. Et c'est pour ça que c'est important justement de débattre avec des gens qui défendent ça comme Dieudonné, mais aussi d'autres, plutôt que d'essayer de leur dire il faut penser comme ça. Moi, ce que je trouve, donc j'entends bien tout ce que tu dis, hein, ce que je trouve dingue dans des discussions qu'on peut avoir comme ça au coin d'une table sur Dieudonné, c'est... Donc peut-être, il y a l'histoire des Indiens d'Amérique, hein, qu'on en parle. Enfin, tu vois, il n'y a pas de génocide, il n'y a pas de... Et puis après l'esclavagisme qui a aussi fait des ravages de dingue. Hein. Et puis évidemment, il y a les Juifs, et puis il y a sûrement aussi plein d'autres qu'on cite pas. Les Arméniens, les Tutsis, etc. Voilà. Mais moi, ce que je pensais surtout réfléchir aussi là-dessus, c'était cette manière de... pouvoir se marrer, et même si c'est pas marrant, toi, j'avais plutôt envie de réfléchir là-dessus. D'abord, c'est les médias qui disent que Dieudonné est antisémite. T'as envie d'aller rencontrer Dieudonné, je pense que Dieudonné va pas dire qu'il est antisémite, hein. Non, je suis pas antisémite, je me marre, je fais de lui, et j'aime bien parce qu'il dit il est taquin, donc j'imagine que s'il a touché une corde sensible qui fait réagir, et ben il va encore, c'est pas le gars qui va faire demi-tour et ne plus toucher à cet humour-là, il va continuer, voilà, La question, c'était l'expression, la liberté d'expression, quoi. J'imagine, c'est des proches qui disaient ça. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, quoi. Et ça me semble évident. J'ai vu un peu plus l'humour du coup de Dieudonné. Et franchement, moi, j'adore, quoi. Parce que ça fait tellement du bien d'entendre un gars qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, qui pointe du doigt, enfin ça fait du bien quoi, et on a marre de ça aussi un peu, et enfin voilà. Justement pour rebondir, si tu veux, voilà, un peu en décalage par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre sur les médias traditionnels depuis 3 mois, et puis l'intervention du ministre de l'Intérieur, Valls, pour interdire ces spectacles, pour rebondir un peu en décalage par rapport à ça, il y a un sketch dont les médias traditionnels ne parlent pas, et pour moi, évidemment, dans une sorte de mauvaise foi et d'irrationnel, c'est que dans le spectacle précédent, le mur qui a été interdit, là, et donc le spectacle qui a été interdit s'appelle Le Mur. Le spectacle précédent s'appelait Foxtrot, et dans Foxtrot, il y a un sketch sur ce dont tu parles. C'est-à-dire une espèce d'émission de télé, donc je vais le dire vite, c'est le décor du sketch. C'est, il campe le rôle d'un présentateur qui fait une émission de télé sur la compétition victimaire. Et donc on a tous des candidats, tu as un candidat amérindien, un candidat africain, un candidat antillais, un candidat juif. C'est à celui qui va gagner, quoi. Donc c'est une sorte de jeu télé, si tu veux, mais avec ce thème-là. C'est hilarant, dans la manière de, effectivement, de tourner en ridicule l'option ethnocentriste, mémorielle et victimaire. Donc, c'est-à-dire ma souffrance est plus importante que celle de tous les autres. Mais alors, évidemment, et c'est là où, à mon avis, les médias traditionnels ont du mal aussi, c'est que finalement, la compétition est dirigée par le 62 fois vainqueur, donc c'est-à-dire les représentants de la Shoah. Donc, et quelque part, alors d'accord, c'est exagéré, d'accord, ça ne fait peut-être pas plaisir à entendre, mais fondamentalement, dans la réalité, comme tu l'as dit là, en commençant ta question, le génocide amérindien, ben oui, on n'en parle jamais, on ne fait pas de film dessus, tout le monde s'en fout. Et même aux États-Unis, où on en parle quand même un peu plus, c'est logique, on n'en parle pas vraiment, et surtout, c'est surtout dans les conséquences ou dans les liens que ça a encore avec aujourd'hui. Et en l'occurrence, donc, les Amérindiens d'aujourd'hui, qui sont dans des réserves pour la plupart, qui sont dans la pauvreté absolue et qui subissent, enfin, dont beaucoup sont dans l'alcool, dans la pauvreté, etc. Bon, est-ce qu'il faudrait justement pas en parler ? Est-ce que au Canada, par exemple, excuse-moi, je fais une petite digression, mais au Canada, il y a des émissions de radio qui sont faites en langue, comme ils disent, native, quoi, donc en langue amérindienne. Je peux pas les citer toutes, mais bon, voilà. Il y a des émissions de radio comme ça, on fait beaucoup plus d'émissions sur les premiers habitants du Canada, etc., des Amérindiens et compagnie, tu vois. Donc, pour revenir à l'humour, Dieudonné, non seulement, effectivement, tourne en boîte plusieurs sujets, l'institution médicale avec le cancer, les pygmées, etc., etc., enfin, il y a beaucoup de sujets, mais en plus, sur cette affaire bien précise de concurrence victimaire qui lui est soi-disant reprochée, en fait, il la renvoie surtout aux autres. Il y a beaucoup de détracteurs ou de gens anti-Dieudonné qui, c'est marrant, mais sont en lien avec cette croyance selon laquelle la Shoah ou le génocide juif est au-dessus de tout le reste, et on ne peut pas surtout faire de l'humour là-dessus. Par contre, on peut faire de l'humour sur l'esclavage avec le film Casse Départ, par exemple, qui a été fait il y a 2 ans. On peut faire de l'humour sur d'autres choses. Canal+ a fait récemment un sketch de 7 minutes sur le génocide rwandais, et où c'est, à la limite, je veux dire, c'est aussi féroce que Dieudonné dans d'autres trucs, mais là, ça pose aucun problème, en tout cas pour ceux qui aiment bien censurer les spectacles et la liberté d'expression. Donc je pense que de ce point de vue là ça pose beaucoup de questions, à la fois la créativité artistique et humoristique du personnage pose des questions, parce que c'est vrai que c'est un des meilleurs, quoi. Il y a rien à... Enfin, je veux dire, c'est tous ses collègues qui le disent, tous les humoristes français. En fait, chez les humoristes français, quand il n'y a pas de télé, pas de caméra, pas de micro, il est surnommé le patron. Donc voilà, c'est comme ça qu'il le surnomme, le patron, le boss. C'est-à-dire, il est au-dessus des autres d'un point de vue à la fois créatif, férocité, taquinerie. Voilà. Et surtout, oser dire tout haut. Parce qu'il y a une scène comme ça avec Jamel, non ? Ils sont là, il vient l'embrasser à la fin de son spectacle et il dit « Bravo, toi, tu es un des nôtres qui... » Je ne sais plus comment il dit ça, mais genre, tu es un des nôtres qui... Non, tu dis tout haut ce qu'on pense tout bas. Mais c'était il y a longtemps, hein. Donc c'était en 2005, 2004-2005, fin 2004 je pense, début 2005. Et effectivement, c'était le temps où Dieudonné pouvait encore se produire au Zénith de Paris. Et Jamel est monté sur scène, d'abord avec une écharpe masquée pour pas qu'on le reconnaisse, mais enfin bon, avec sa main dans la poche, tout ça, on le reconnaît tout de suite. Et effectivement, il dit ça. Il dit, en tout cas, bravo pour ton courage, tu dis tout haut, ce qu'on pense tout bas. Et effectivement, c'est surtout dans son engagement anti-sioniste, pas spécialement... Enfin, sur la critique de la compétition victimaire, du deux poids deux mesures également, bien sûr. Et c'est pour ça que, quelque part, Dieudonné fédère beaucoup de gens. Je veux dire, le deux poids deux mesures, c'est pas uniquement une question d'être d'origine africaine ou maghrébine. C'est aussi d'un point de vue social, c'est aussi dans l'accès à l'expression médiatique ou dans les médias traditionnels. C'est aussi, voilà, t'es un leader syndical, ton usine va fermer... Et t'es vindicatif dans un direct à la télé, et le journaliste, le présentateur du JT, va dire appelez au calme, ne soyez pas violent, taisez-vous, calmez-vous, etc. Face à un homme politique, il n'aura jamais ce discours infantilisant, paternaliste, ou en tout cas, non, taisez-vous, non, ne parlez pas comme ça. Bon, donc, il y a cette dénonciation aussi dans le travail humoristique de Dieudonné, donc beaucoup de gens peuvent se reconnaître au-delà et des mémoires, et de l'appartenance supposée culturelle, ethnique, etc. Et c'est pour ça que, à mon avis, c'est plein. C'est vrai qu'il y a un côté... pour moi, c'est clair, hein, depuis 2011, depuis les attentats du 11 septembre, on est rentré dans une sorte de régression, donc avec voir du terrorisme partout, monter ça en épingle de manière complètement extrême, dans les médias, notamment. On est rentré dans une sorte de régression de la liberté de parole qui va jusqu'à, effectivement, une sorte de délit d'opinion. Et alors, la position anti-sioniste est devenue... a été criminalisée. Il n'y a rien à faire. Criminalisée et amalgamée à être anti-sioniste, c'est être un antisémite masqué. C'est tout. Alors que, bon, voilà, de tout temps, en tout cas, même l'ONU, à un moment donné, avait reconnu le sionisme comme une forme de racisme idéologique d'État, et le lobby pro-israélien est arrivé à ce qu'en 1991 cette décision soit cassée, et maintenant on ne peut plus reconnaître le sionisme comme une sorte de racisme idéologique. Mais tous ceux qui s'intéressent un peu à la question de près ou de loin et qui voient comment fonctionne l'État israélien, y compris à l'intérieur, je ne parle même pas des Palestiniens dans les territoires occupés, je parle à l'intérieur. C'est un État qui fonctionne avec un fonctionnement d'apartheid et de hiérarchisation raciale. C'est-à-dire, si vous êtes juif, séfarade ou ashkénaze, eh bien, vous aurez plus de droits, plus de facilités, moins d'accès, moins de... en tout cas, voilà, votre vie sera plus simple qu'un juif falacha ou qu'un Israélien palestinien qui est là, lui, tout en bas de l'échelle. Donc, ce qu'on appelle les Israéliens arabes, dont les parents sont d'origine palestinienne mais qui sont nés en Israël et qui ont la citoyenneté israélienne, ils sont quand même 1,5 million dans la population. Eh bien, il y a beaucoup de rapports, etc., c'est assez clair. Ces gens sont des citoyens de seconde zone, parce que suspects du fait de leurs origines palestiniennes. Eh bien, bon, moi, j'appelle ça une société d'apartheid, une société qui fonctionne selon des critères raciaux. Et j'avais envie d'aussi souligner, parce qu'à l'époque c'était ça, c'était, dis-moi si je me trompe, c'est qu'en gros, hein, on simplifie la pensée, comme ça on peut avancer aussi dans la rencontre, parce que voilà, c'est que Dieudonné va toucher une corde sensible du sionisme, voilà, ça c'est une chose, et que dans les médias traditionnels en France, peut-être en Belgique aussi, mais en France, puisque ça se passe en France, il y a beaucoup de gens au pouvoir qui sont juifs. C'était ça aussi l'histoire. Et donc il y avait quelque chose à, hop là, pas toucher. Et donc comme il y a des gens au pouvoir... Oui, moi je dirais, Bon, il faut être prudent avec ça. Et effectivement, moi, je trouve que, justement, en tant qu'humoriste, Dieudonné ne l'est pas vraiment. Hein. Il n'est pas prudent, je trouve, de ce point de vue-là. Moi, en tant que journaliste, je dois l'être. Donc, c'est-à-dire, oui, il y a des gens juifs au pouvoir. Par exemple, on va prendre l'exemple le plus simple. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur actuel, n'est pas juif. Mais il a dit sur une radio communautaire juive devant un public essentiellement juif, je suis lié de manière éternelle, par mon épouse, par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Alors, on pourrait penser que cette phrase comme ça, quelque part, ne veut rien dire, ou en tout cas, n'est pas très, très, très importante. Elle est au contraire très importante dans la manière où on voit là ce que c'est le sionisme. C'est-à-dire que, en fait, Manuel Valls est sioniste, évidemment, mais comme l'ensemble du gouvernement français, mais montre à quel point son attachement est éternel, je le cite, et par sa femme, c'est quand même pas rien. Donc voilà, donc c'est entre guillemets, on peut dire les liens du sang, ou en tout cas les liens amoureux, fraternels, etc. Donc, de ce point de vue-là, en plus, pour un ministre de la République qui est censé être au-dessus de la mêlée, une République laïque, hein, je le rappelle, hein, censé au-dessus de la mêlée, il y a déjà une espèce de conflit d'intérêts, un problème. Je veux dire, pourquoi il serait plus lié de manière éternelle à la communauté juive qu'à la communauté musulmane, qu'à la communauté noire ou antillaise, voilà. Et pourquoi cet État plus qu'à la France? Parce que ça, c'est aussi un autre problème. Les Français sont très attachés à leur souveraineté, au fait d'être indépendants, d'avoir fait la Révolution française, etc. Et puis finalement, on a, à l'époque où il l'a dit, il n'était pas encore ministre. Mais on a quelqu'un qui brigue les plus grandes fonctions, évidemment, politiques. C'est pas un secret, ça se voit. C'est un petit Sarkozy en puissance, il veut devenir président. Enfin, en tout cas, ce sera son but ultime. Et il se dit lié de manière éternelle. Donc, moi, je pense que c'est plutôt ce problème-là. C'est-à-dire, qu'il y ait des gens juifs au pouvoir, c'est normal, c'est pas grave. Et tant qu'ils exercent leur fonction de la manière la plus honnête possible, aucun problème. Et il y en a, il n'y a pas de souci. Et pareil dans les médias traditionnels, France Télévisions, Le Monde, c'est pareil. Le problème, c'est des médias ou des politiques qui se disent indépendants, qui se disent souverains, etc., et qui, en fait, fonctionnent selon une idéologie bien précise, qui est le sionisme, et qui est une idéologie évidemment critiquable à plus d'un titre, qui fait ce qu'on voit en Israël-Palestine. Donc voilà, moi je pense que le problème en France, c'est vraiment criant maintenant, parce que la liberté d'expression en est menacée. Merci. Mais c'est pour moi le problème en général à toute l'Europe, c'est-à-dire que l'Union européenne, récemment, a accepté de créer un parlement juif. Donc il y a un parlement juif au sein des institutions de l'Union européenne. S'il y avait un parlement musulman, je ne sais pas ce que ça donnerait. Hein. Je ne sais pas dans quel état d'hystérie seraient les médias, etc. Donc, je veux dire, c'est à la fois pas sérieux, et en termes même, je dirais, de lutte contre le racisme anti-juif. Parce que moi, je ne sais plus utiliser ce terme antisémite, il ne veut plus rien dire, les sionistes l'ont complètement dévalorisé, quoi, complètement dévalué. Je veux dire, tout le monde, enfin, je veux dire, voilà, ton chat est antisémite, ça n'a plus de sens, quoi. Par contre, une haine vis-à-vis des juifs, une xénophobie vis-à-vis des juifs, un racisme vis-à-vis des juifs, ça existe. Et pour lutter contre ça, comme toutes les autres formes de racisme, quand on est antiraciste, on lutte contre toutes les formes de racisme, eh bien justement, il ne faut pas donner l'impression... que le vieux cliché, les juifs dirigent le monde, les juifs sont à tous les postes de pouvoir, est réel. Et malheureusement, c'est ce que font les sionistes et c'est ce que fait Manuel Valls. Manuel Valls, en ayant convoqué en quelques heures un conseil d'État, une personne, le président du conseil d'État, qui en 1h40 torche une décision où tous les juristes de droit public, où tous les avocats de droit public sont d'accord pour dire que ça ne peut pas s'écrire en 1h40, ça met beaucoup plus de temps que ça. Donc elle a été écrite à l'avance. Attends, je vais enlever ça parce que ça fait du bruit. Donc elle a été écrite à l'avance. Le Conseil d'État a été, par le passé, critiqué comme étant trop politisé avec les majorités arrivant au pouvoir. Le Bernard Stiern en question, là, celui qui a rédigé la décision du Conseil d'État, est connu comme étant un proche de ce gouvernement socialiste. Eh bien, tout ça, mis bout à bout, ça alimente, pour moi, l'antisémitisme tel qu'eux le définissent. Moi, je dis le racisme anti-juif. Ça l'alimente dans la croyance qu'effectivement, ils sont au pouvoir, ils dirigent tout, etc. Et moi j'ai toujours lutté contre ça. Je trouve que, justement, on a le droit d'être sioniste, ou d'être juif sioniste, peu importe, etc. Mais comme on a le droit d'être humoriste anti-sioniste, d'être citoyen anti-sioniste, et je dirais même plus loin, et d'avoir cette liberté d'expression, de participer à des vrais débats, ce qui n'existe plus, hein, sur les médias traditionnels français ou belges, mettre un anti-sioniste face à un sioniste, ça n'existe plus. Et le seul truc qui existe encore, mais très peu, hein, c'est de mettre un juif anti-sioniste. Bon, si c'est un juif anti-sioniste, ça va, parce que l'accusation d'antisémite tombe d'elle-même. Encore, parce qu'avec les plus intégristes des sionistes, quand un juif est anti-sioniste, c'est un juif qui se déteste lui-même, parce qu'en plus, ils ont des compétences de psychiatre et de psychologue. C'est-à-dire qu'un juif qui serait anti-sioniste est un juif qui se déteste lui-même, qui a une haine sur ses origines. Bon, c'est grotesque. En tout cas, bon, moi, j'attends l'avis de psychologue et de psychiatre, et certainement pas de militants politiques. Mais quand on parle de Dieudonné, je trouve qu'il se fout aussi bien de la gueule de l'Africain que du Français, que du Haïtien, que, enfin, il y va, quoi. Et quelque part, avec son humour, enfin, ça, c'est ma manière de voir, il soulève des questions qu'on ne dit pas. Donc, avec sa manière, t'en ris. Il y avait comme ça un reportage sur le net de gens... qui voulait aller voir son spectacle, qui ne pouvait pas, dans la rue, quoi, qui expliquait. Je trouvais ça, c'est pas mal dit. Mais non, c'est pas du tout un antisémite. Il disait, en gros, qu'il préférait en rire que d'en pleurer. Et c'est tellement vrai, quoi. C'est assez horrible ce que nous renvoie Dieudonné, mais il le dit et il le met en commun avec de l'humour. On va là pour se marrer, quoi, quand même. Tu vois, moi, c'est bien dit, je trouve. Mais en gros... Par exemple, toi, tu as écrit 2 bouquins. Si les gens ils veulent un petit peu se renseigner sur l'affaire Dieudonné, on va l'appeler comme ça. Hein, ouais, ça reste. Ouais, non, c'est comme ça que l'appelle moi aussi. Ouais. L'affaire Dieudonné. Ouais. Eh bien, moi, je soulève que toi, ici, Olivier Moukouna, c'est pas que tu es pour ou contre Dieudonné, comme moi, je ne connais pas Dieudonné, je ne suis ni pour ni contre. Je veux dire, on peut ne pas aimer sa blague. Mais c'est pas pour ça que je vais te dire que t'es un facho, quoi. Et c'était ça que j'avais envie de défendre aussi, c'est-à-dire qu'Olivier Moukouna, voilà. Lisez tes bouquins pour se faire une opinion, et t'as aussi fait un film. Je peux en parler ? Voilà. Mais écoute, oui, voilà, c'est une affaire vieille de 10 ans, de toute façon. Et oui, moi, si tu veux, voilà... normalement, ça n'aurait pas dû être une affaire. Si on était dans une démocratie, je ne vais pas dire saine, mais en tout cas moins malade qu'aujourd'hui, oui, on aime ou on n'aime pas l'humour de Dieudonné, mais on ne l'interdit pas. Interdire ses spectacles, c'est parce que déjà, ça pose vraiment un grave problème en termes de démocratie. C'est-à-dire que après Dieudonné, ce sera qui ? Ce sera quel groupe de pression ultra-chrétien, ultra-musulman qui va interdire quel spectacle ? Et une fois qu'on ouvre cette boîte de Pandore, comme disaient justement les avocats spécialistes en droit public, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Donc, c'est pour ça que, voilà, en démocratie, on défend la liberté d'expression et pas la censure a priori. On censure a posteriori s'il y a des vrais troubles à l'ordre public. Ça, c'est important de le dire. Sur 10 ans, il n'y a pas un trouble à l'ordre public après les spectacles de Dieudonné. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, les gens entendent effectivement un humour corrosif, féroce, voire subversif, ou en tout cas dérangeant, mais aussi subversif. Hein. C'est une des raisons pour lesquelles il énerve tellement le pouvoir. C'est parce que le pouvoir préfère des Nabila, préfère des Franck Dubosc, des humoristes qui parlent de leur portable et de leurs chaussures de ski est-ce qu'ils vont sortir avec une blonde ou une rousse. Voilà, ça. Et qui a trompé qui ? Voilà, et qui a trompé qui ? Exactement, ça, le pouvoir préfère. Et le pouvoir n'aime pas donc des humoristes, il y en a un, il est là, c'est Dieudonné, qui brasse une série de sujets, effectivement, tabous, interdits, dont le pouvoir et les médias en général ne veulent pas discuter et ne font jamais de débat vraiment là-dessus. Mais ne nous éloignons pas. Oui, est-ce que Olivier Moukouna, il est pour Dieudonné parce que quelque part, ils font partie un peu de la même famille? Ou bien vraiment, Olivier Moukouna a fait de la recherche avec des faits, tu vois? Oui. Je vais parler de ce que j'ai fait. Alors, donc en gros, c'est deux livres et un film qui est plutôt un débat filmé entre Dieudonné et six intellectuels et culturels belges. Et ce film s'appelle « Est-il permis de débattre avec Dieudonné ?» et est sorti en 2009. Bon, maintenant, je suis en discussion pour justement essayer de... parce que je l'ai fait avec les moyens du bord, artisanal. Ce film a été interdit de diffusion, etc. Donc, interdit. J'ai pas pu trouver un diffuseur, quoi. Donc, c'est pas interdit de manière judiciaire. C'est juste... Personne ne voulait le diffuser. Quoi, tu veux dire ici, en Belgique, ici, en France? Ici, en Belgique et en France. En France, il a tenu exactement 4 heures dans les FNAC, parce que je l'ai autoproduit moi-même, avec une petite maison de production quand même. Mais, en gros, j'avais fait... j'avais édité 500 DVD, on va dire, 750 en tout, mais il y en a 200 que j'ai donné. Enfin bon, c'est vraiment un truc complètement alternatif. Mais on avait réussi à signer un contrat avec l'ensemble des FNAC de la région parisienne pour en laisser chaque fois une dizaine ou une quinzaine dans chaque FNAC de Paris intramuros et à l'intérieur, banlieue. Et... sans publicité, sans rien, le premier jour, donc les 4 premières heures du matin où je mets les 15 premiers DVD dans la première FNAC, et après j'allais faire le reste, les jours suivants, en 4 heures, mes DVD ont été retirés des rayons sur décision en haut de la FNAC, au top de la FNAC. C'est aussi dangereux, quoi. Faire un travail journalistique sérieux sur Dieudonné, effectivement c'est dangereux, ça je peux en témoigner, et un jour je pourrais même en écrire un livre de mémoire s'il faut. Et donc, en 4 heures de temps, il y en avait 5 qui s'étaient vendus, sans publicité, sans rien, et sans tête de gondole, je sais pas quoi. C'était juste des gens, ils regardent les DVD, ils voient celui-là, puis ils l'achètent. Et donc j'en ai vendu 6 DVD, en 4 heures d'exposition invisible, ou en tout cas pas publicitaire, avant qu'ils soient retirés des rayons, et que finalement je sois en procès avec la FNAC, et bon, finalement ils m'ont remboursé, voilà, c'est fini, mais ils n'ont jamais voulu diffuser ce truc. Et oui, c'est 3 travaux journalistiques différents, donc c'est un premier livre d'entretien avec une centaine de questions à l'époque, donc 2004-2005. La première affaire Dieudonné pour moi que j'estime, où les médias quittent totalement le terrain du journalisme pour entrer dans celui de l'hystérie ou du discours type macartiste, type inquisition. C'est-à-dire on n'a pas le droit de penser autre chose ou d'avoir un discours un peu alternatif ou univoque par rapport à ça. Dieudonné est un salaud, un antisémite, c'est tout. C'était juste après sa conférence de presse d'Alger. Pendant 12 jours, on a une diabolisation médiatique, ce que j'appelle un lynchage médiatique, de la part des médias français, pendant une douzaine de jours. Bon, ici, c'était presque 3 mois maintenant. Donc ça a d'abord commencé avec la quenelle, pour expliquer après ce que c'est, si tu veux, et parce que les médias ne l'ont jamais expliqué. Ils ont fait pendant 3 mois des articles sans arrêt pour ne jamais... Tu vois, ils en sont à ne même pas pouvoir définir un geste fait par des gens. C'est pas de la physique nucléaire, hein, c'est pas une enquête au Cambodge dans des filières mafieuses. Je veux dire, c'est assez simple d'établir la signification de ce geste. Eh bien, ils savent pas parce que la LICRA et le lobby pro-israélien estimaient que c'était un salut nazi inversé, donc il fallait toujours plus ou moins amener les gens à penser que c'était ça. Bon, petite digression. Et puis, donc, j'ai fait ce livre d'analyse du traitement médiatique de l'affaire Dieudonné, qui est sorti en 2006. Traitement médiatique par les médias français et un peu les médias belges. Et à l'époque, c'était que sur 2 ans. Donc, j'avais fait une revue de presse de tout ce qui était sorti sur Dieudonné. Je l'avais analysé, mis en contexte, etc. Et montré à quel point il y avait énormément de désinformation, mais encore plus. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent rien à l'affaire. D'omission. Donc c'est-à-dire quand Dieudonné, par exemple, se fait agresser en Martinique par 5 soldats, enfin 5, 5. Il y avait un conducteur et 4 agresseurs. Quand il se fait agresser en Martinique, à Fort-de-France, c'est une information qui n'a fait l'objet que de ce qu'on appelle un à travers en télé, donc c'est-à-dire le présentateur du JT a dit Dieudonné se fait agresser par quelques personnes en Martinique. Demain, la météo, etc. Voilà, terminé, c'est fini, au revoir, salut. Donc, il fait un sketch qui déplaît, on en fait des doubles pages, des triples pages, c'est le fils d'Hitler, le fils de Le Pen. Quand il se fait agresser, c'est une ligne en JT, Une petite brève ou zéro brève, je crois qu'il y avait deux brèves, Le Monde et Libé, c'est tout. Enfin, les journaux n'en parlent pas. Et c'est tout le temps comme ça. Par exemple, quand il a été reçu par Aimé Césaire à la sortie de cette agression, il est resté une semaine en Martinique de plus, il a été reçu par Aimé Césaire. Aimé Césaire, dont l'ensemble de la classe politique et des médias ont été à l'enterrement quand il est mort, l'ont salué, c'était un grand homme, machin, etc. Mais quand il était vivant et qu'il recevait Dieudonné, on n'était pas là, on ne sait pas, on était sur la Lune, ça n'existait pas, il n'y avait pas besoin d'en parler. Or, pourquoi il n'y avait pas besoin d'en parler? Parce qu'en parler, évidemment, allait les mettre en porte-à-faux par rapport au discours univoque qu'ils veulent défendre. C'est-à-dire que pour moi, j'ai toujours plaidé que cette affaire est beaucoup plus symptomatique de la complexité de notre société et des problèmes de vivre ensemble, de démocratie, que simplement un humoriste qui fait pas rire, qui est pas drôle, un comique pas drôle, un comique antisémite, tout ça, c'est vraiment de la surface des choses qui en plus arrange certains, arrange un camp. Je veux dire, ça n'arrange pas les gens qui vont voir Dieudonné. Tu vois, ils en ont vraiment plus cassé, et ça se voit, ça se voit sur les réseaux sociaux, etc. Ils en ont plus cassé d'être traités d'antisémites ou de racistes, etc. C'est des gens qui, effectivement, comme tu as dit, d'abord, un, pour la plupart, veulent passer un bon moment avec un type qui va les faire rire, c'est assuré. C'est assuré parce qu'ils l'ont déjà vu, ils le connaissent, ils l'ont vu en vidéo. Et en même temps, trouvent qu'il met le doigt, effectivement, sur des vrais problèmes. Alors, c'est peut-être pas lui qui va apporter les solutions, et je ne le crois pas non plus. Mais en tout cas, en termes de révélateur et en termes de remplir sa fonction, qui est une fonction traditionnelle en France, du bouffon du roi. Et de libre penseur aussi, quoi. Moi, j'aime bien, tu vois, il est libre de penser ce qu'il veut. Si un artiste n'est pas libre, à quoi ça sert? Donc, de ce point de vue-là, il remplit totalement sa fonction, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et il s'est retrouvé maintenant, il faut quand même le voir, hein, avec l'ensemble de l'appareil d'État, plus l'ensemble des médias sur le dos, un point de violence et d'intensité que les anglophones, qui n'ont rien à foutre de Dieudonné, s'y intéressent parce que, aussi Anelka, qui est un de ses amis et qui est un footballeur sportif qui joue en Grande-Bretagne, a fait une quenelle après avoir marqué un but. Ça a été le déclic, hein, c'est aussi pour montrer quel degré où on en est. Mais bon, soit la BBC, New York Times, etc., ont commencé à s'intéresser à l'affaire tellement un seul homme, voilà, suivi par des millions de personnes, il faut bien le dire. Et je crois que c'est ça qui fait surtout peur. Parce que, bon, on parle souvent du public français de Dieudonné, mais je veux dire, voilà, il vient ici, t'as 1000 places qui sont, voilà, de toute la Belgique, il y a des gens qui viendront pour le voir. En Suisse, pareil. Et ces spectacles, d'ailleurs, ne sont pas interdits, il va bientôt se produire en Suisse. Et voilà. Et alors, surtout à l'occasion de cette affaire, bon, parce que c'est un peu oublié, ça n'intéresse jamais personne, il a un soutien total venant de l'Afrique. Il va faire le spectacle qui a été interdit, Le Mur, va être rejoué, enfin il va le jouer à Alger, en Algérie, où il va en faire un DVD qui va être à la vente. Donc pour, voilà, sa manière à lui de faire encore un pied de nez, de contrer un spectacle interdit par les autorités françaises en France, sera disponible en Afrique du Nord, en Algérie. Et c'est sûr ça? C'est déjà, ou bien c'est une idée? C'est annoncé. Maintenant, on va voir si ça se fait vraiment. Mais étant donné que, si tu veux, pendant toutes ces années de diabolisation, il y a plein de gens qui ne connaissaient pas encore le parcours chaotique et difficile de Dieudonné, ne fût-ce que pour travailler, eh bien, il allait se produire au Liban, il allait se produire en Algérie, il allait se produire en Tunisie aussi. Évidemment, son humour, qui est quand même très franco-français par moment ou assez occidental, fonctionne quand même aussi là. Fonctionne dans des pays anciennement colonisés par la France, faut bien le dire. Donc de ce point de vue-là, ça marche évidemment très très très, très fort. J'ai simplement envie de dire que moi j'ai fait un boulot journalistique en trois temps, en trois épisodes, livre d'entretien, analyse du traitement médiatique et puis un débat filmé qui est sorti juste un peu avant que Frédéric Taddeï invite Dieudonné sur son plateau à l'émission ce soir. C'est qui celui-là? Oui, voilà, c'est l'émission Ce Soir ou Jamais. C'est un animateur qui, justement, sans vraiment le dire, mais est quand même un défenseur de la liberté d'expression et d'opinion, et qui invite des invités qu'on ne voit nulle part ailleurs ou qui sont diabolisés médiatiquement. Style, il a invité Dieudonné en 2010 quand il avait sorti un livre d'entretien avec Bruno Gassiot. Et depuis lors, cet animateur a lui aussi des problèmes. Son émission a été déplacée. Maintenant, il a fait un débat à la suite de la décision d'interdire le spectacle de Valls. La décision de Valls et du Conseil d'État d'interdire les spectacles. il avait fait une émission où il y avait une personne, c'est-à-dire Jean Bricmont, qui pouvait avoir un discours hétérodoxe ou un peu différent, et tous les autres, c'était une équipe de rugby qui avait le même discours, quoi, une équipe de rugby sioniste pro-israélienne. Et donc, et qui, dès qu'on prononce le mot palestinien, déjà, t'as des flèches et des attaques. Donc, voilà. Donc, pour ces gens, on ne peut plus dire juif, on ne peut plus dire palestinien, on ne peut plus rien dire. Voilà, en gros. Dire leur discours. Et donc, Jean Bricmont n'était pas là pour ça. Jean Bricmont était là pour défendre sa défense de la liberté d'expression inspirée de Chomsky, etc. Et il s'est fait vraiment lyncher sur ce plateau. Et finalement, si tu veux, c'était pas encore assez parce que Frédéric Taddeï a invité un gars, un écrivain, qui s'appelle Marc-Edouard Nab, qui est considéré par les gens qui étaient sur le plateau comme un antisémite. Bon, dès qu'on est critique vis-à-vis d'Israël, on est antisémite, hein, donc voilà, c'est un antisémite. Et donc Frédéric Taddeï, quelque part après, a été pris à partie par une de ces personnes pour dire « Mais vous nous avez trahis, vous nous avez pas dit que vous l'inviteriez, c'est scandaleux, etc. » Et depuis lors, et ça c'était le 10 janvier, et depuis lors il y a eu une espèce de possibilité que son émission soit remplacée ou de nouveau déprogrammée, etc. Ce qui à nouveau est complètement débile parce que donne vraiment l'impression que finalement c'est, voilà, ce lobby pro-israélien composé de juifs aussi, en fait dirige tout, y compris la programmation d'une émission de service, enfin d'une télévision de service public. C'est complètement contre-productif en termes... Mais ça ne les intéresse pas, en fait, la lutte contre le racisme. Ce qui les intéresse, c'est qu'il y ait un discours univoque de préférence à la gloire d'Israël. Parce qu'eux, ils disent souvent... Non, vous pouvez critiquer Israël. En Israël même, on critique l'État d'Israël. Donc on peut être critique vis-à-vis d'Israël, mais... Bon, ben, voilà. Mais dites la même chose que nous. Parce que vos critiques, tout de suite, c'est suspect d'antisémitisme. Voilà. Donc, je me suis un peu écarté. Mais je voulais te dire ça, voilà. Trois productions journalistiques différentes et j'invite les gens à aller les voir. Enfin, en tout cas, pour les livres, malheureusement, le premier il est épuisé. Le second va peut-être être réédité, mais je suis toujours en discussion. Et pour le film, c'est sûr, on va le ressortir. Voilà. Et en gros, que devient, ça va être la fin, hein, en gros, que devient de donner aujourd'hui, c'est quand même la galère pour lui, et pour toi aussi, qu'est-ce qu'il en est t'es dans tes boulots Ouais, ben moi j'ai effectivement eu un contre-coup négatif d'avoir voulu être journaliste jusqu'au bout dans cette affaire, et donc pas de me ranger dans, de me soumettre à un discours... que moi j'estimais d'abord pas journalistique, de un, et de deux, pas sérieux, quoi. C'est-à-dire, je trouve que cette affaire méritait, au contraire de beaucoup d'autres, à la limite, méritait un vrai traitement journalistique de par sa complexité, d'une part, et surtout du fait que c'était des questions d'avenir. Notamment, par rapport à moi, à quelque chose qui m'est cher, c'est-à-dire le vivre ensemble. C'est-à-dire que si on n'arrive plus à débattre entre gens qui ont des visions différentes... Eh bien oui, à un moment donné, ça favorise le repli sur soi, le communautarisme, et les Noirs, les Arabes vont se replier entre eux, la classe populaire, etc., va se dire, de toute façon, on n'a rien à attendre, et des médias, et de la classe politique. Ça va favoriser, pour moi, les clivages et la séparation. Ce que fait déjà, je trouve, assez suffisamment, le gouvernement français actuel, mais le précédent également, et d'une manière générale, les élites qui n'ont toujours pas compris qu'il y a... Il y a vraiment un travail à faire sur la représentation et la liberté de critique et d'expression, qui pour moi est en régression totale depuis plus de 10 ans. Et de ce point de vue-là, on va vers l'affrontement et pas vers des lendemains qui chantent, malheureusement. Enfin, tant qu'en tout cas, ils n'auront pas pris conscience de ça. Et quand on en arrive à vouloir interdire des spectacles, ça veut dire qu'on n'a vraiment pas pris conscience. Je veux dire, c'est au contraire, ça a augmenté le public de Dieudonné. Tout type qui travaille dans la communication le sait, quoi. Je veux dire, ça intéresse, quoi. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Il suffit d'interdire un truc pour que ça devienne... ça y ait un label très intéressant. Et surtout à l'heure d'aujourd'hui, où nos élites et nos autorités favorisent quand même... Enfin, ou en tout cas, défendent une espèce de société très policée et du langage et de l'action, quoi. Je veux dire, quelque part. Aujourd'hui, même une prise d'otage, par exemple, d'un patron d'une petite entreprise qui a fermé... C'est presque considéré comme un acte terroriste, alors que c'est peut-être pas génial et c'est peut-être pas ce qu'il faut faire, Mais en même temps, c'est très compréhensible, étant donné le degré de crise, etc. Et donc, pour revenir à ce qui m'est arrivé, ben oui, j'ai été interdit professionnel dans ma propre profession en Belgique francophone. J'ai pu réussir à vendre un seul papier. Dernièrement, j'avais retrouvé un emploi, un contrat de pigiste avec Le Soir. Je le cite maintenant parce que il n'y a plus aucune chance que ça fonctionne. Et je l'ai perdu en une semaine à partir d'une campagne interne d'un des journalistes à l'intérieur qui a mené une campagne interne de diffamation contre moi, m'insultant d'être un antisémite notoire, que j'allais porter préjudice au journal, etc. Machin. Et finalement, ça a convaincu. Et le chef culture qui m'avait engagé m'a dit « Je suis désolé, mais à cause du scandale qu'il menace de faire, parce qu'il en faisait une affaire personnelle, il était prêt à sortir de manière publique. » Alors c'est moi qui le dis maintenant publiquement. Et ce journaliste en question a réussi à faire casser mon contrat. Quoi, parce que tu avais écrit ou réfléchi sur l'affaire de Donné qui était antisémite. Du coup, toi, tu l'étais aussi antisémite, c'est ça ? Écoute, je dirais les sionistes ici, belges, tous ceux qui les soutiennent pour des raisons diverses, et notamment d'opportunisme et de carriérisme, eh ben, oui, pour ces gens-là, comme aller au fond de mon travail, voir ce qu'il y a dans mes livres et dans mes films, ne les intéresse absolument pas parce qu'ils sont trop... Franchement, ils sont d'une stupidité intégrale. Donc déjà, aller là, aller voir. Et alors, quand ils ont confié cette mission à leurs avocats, ils n'ont rien trouvé de raciste et d'antisémite. Donc c'est difficile. Donc le fond contredit en partie leur discours, en tout cas, pas sur certaines critiques que j'ai vis-à-vis de Dieudonné, mais sur la critique du racisme et de l'antisémitisme et du deux poids deux mesures, c'est une vraie construction et journalistique et intellectuelle que visiblement ça ne les intéresse pas d'aller au fond des choses. Donc l'idée, évidemment, c'est facile, c'est de m'amalgamer. Donc j'ai souvent été qualifié de porte-parole, d'ambassadeur, de relais. Relais, on ne sait pas, relais de quoi ? Relais belge de Dieudonné, d'accord ? Y compris dans Le Soir encore. Donc évidemment, pour discréditer le fond de mon travail, il fallait me faire passer pour un type aux ordres de Dieudonné ou un fan idéologique de Dieudonné. Ce que je ne suis absolument pas. Et il suffit de lire, de voir ce que j'ai fait comme travail journalistique pour s'en rendre compte. Mais évidemment, ça a porté, ça a marché, puisque moi, en gros, pour pouvoir parler de mes sujets, tu m'as interviewé à l'époque, j'ai fait une télé RTL ici en Belgique, et maintenant j'ai participé à un débat il n'y a pas si longtemps, mais en 10 ans, j'ai fait deux apparitions belges télé, et une à la télé française LCI, où chaque fois, c'était toujours les mêmes, le même dispositif sympathique, c'est que je suis contre une personne, ou contre 5 ou contre 4. Et donc c'est l'idée du match de boxe avec on a voulu faire un débat avec le type qui pense mal, et heureusement on a invité 4 bien pensants qui vont bien lui régler son compte. Maintenant c'est aux gens à savoir si oui ou non ils m'ont réglé mon compte. Moi je pense pas, en tout cas j'espère que non. Mais c'est vrai que ça m'a coûté, et ça m'a coûté à la fois financièrement et à la fois dans ma vie privée ou dans ma vie conjugale, quoi. C'est vrai que ça a été difficile. Je pense que le jeu en valait la chandelle, dans le sens où, fondamentalement, ce sont des questions très importantes. Et maintenant, les gens commencent un tout petit peu à s'en rendre compte. Un peu, je dirais malheureusement, de manière ironique, grâce à la folie de ce gouvernement français. Ça, c'est, à s'attaquer à un des piliers de la démocratie... sous prétexte d'interdire un humoriste qui les dérange, et qui dérange certains de leurs amis, c'est à l'heure de la crise socio-économique, à l'heure des vrais problèmes, et tout ça, c'est complètement... tout le monde a vu que c'était grotesque, tout le monde a vu. Ouais, non, on n'a plus le temps, mais lui, Dieudonné, ça va, tu crois ? Parce que c'est quand même la galère, il a des menaces de mort, on veut fermer son théâtre, c'est quand même chaud, quoi. Non, écoute, c'est ce qu'il a vécu ces derniers temps, c'est le pire. Vraiment, en termes de pression, je crois pas qu'un... Tu vois, on le compare souvent à Coluche et des proches. Coluche et des proches n'ont pas vécu ce qu'il vient de vivre là, ces dernières 3 semaines et ce dernier mois. Moi, depuis 15 jours, je n'arrive pas à avoir des nouvelles. Donc j'ai laissé des messages, J'ai envoyé des SMS, etc. Je n'ai pas de réponse réelle, donc je suis presque un peu comme voilà, tout le monde ou comme tout le spectateur. Je peux voir les vidéos de Dieudonné qu'il met sur Internet. Il en a mis deux depuis l'interdiction. Et c'est tout. Je n'ai pas de nouvelles ni bonnes ni mauvaises. J'en aurai peut-être à un moment donné, mais pour l'instant, non. Donc, je ne sais pas. Ok, ben écoute, Olivier, il y a des bouquins. Olivier Moukouna, deux bouquins, si jamais vous en voulez en savoir plus. C'est aussi un film, un docu, quoi. Est-il permis de débattre avec Dieudonné ? Voilà. Et comment on peut faire pour trouver tout ça ? Le film, par exemple. Mais en fait, moi, j'invite les gens à aller sur mon site, à nous contacter sur mon site femmesdechambre.be. Donc, c'est femmes au pluriel et puis de chambre en un mot, femmesdechambre.be. Là, il y a une rubrique contact. Faut envoyer un mail et on vous donnera. Parce que tout ça est en cours, donc je ne sais pas encore par quel biais ça se fera. J'ai aussi un profil Facebook où j'informe les gens que ça intéresse. Et une page, est-il permis de débattre avec Dieudonné, qui va être aussi réactualisée. Donc par ces trois moyens, essentiellement sur Internet. Parce que c'est vrai, à la limite, moi-même, dans mon activité journalistique, comme Dieudonné, et ça c'est peut-être un des points communs, on a continué ou pu continuer à s'exprimer parce qu'Internet existait. Sinon, à mon avis, et moi journalistiquement parlant, ce serait fini, j'aurais plus rien à faire. Et lui, d'un point de vue artistique, n'aurait pas pu continuer à alimenter son public, ou en tout cas à ce que le public vienne et soit au courant. Donc tout se passe par Internet aujourd'hui, pour encore je ne sais pas combien de temps, Dieu merci. Enfin, j'espère en tout cas. Et donc voilà, allez sur mon profil Facebook, sur mon site d'actualité ou d'information femmesdechambre.be. Là, il y aura des informations très vite pour savoir comment se procurer, je l'espère en tout cas, et mon livre et mon film, qui devrait subir une réédition, une réactualisation. Merci Olivier. Merci Graziella.